à toutes et à tous, c'est Aurélien. On se retrouve cette semaine pour un nouveau coup de cœur sur Radio Guimauzo. Et cette semaine, mon coup de cœur sera un coup de cœur littéraire. Et préparez vos machines à voyager dans le temps, car cette semaine, je vous emmène au 19e siècle. Donc le monde est en pleine révolution industrielle, et dans tout ce bazar, on va dire, nous suivons les aventures d'un jeune diplômé de métallurgie, au chômage, qui cherche du travail, du nom de Gustave Eiffel. Donc notre ami Gustave cherche du travail. Et un jour, il est journal, et il voit en bas dans les petites annonces, une société qui recherche esprit aventureux et intelligent. Donc il se rend au lieu de rendez-vous. Il passe des épreuves assez farfelues, on va dire. Hein. Oui, plutôt farfelues. Il arrive à être sélectionné, je dirais, par l'entreprise. Et il va occuper un poste dans cette entreprise en question qui s'appelle la SSSSSS. Donc la Société Super Secrète des Savants en Sciences Naturelles, en charge de la protection du pays contre les créatures fantastiques. Donc notre ami Gustave suit un entraînement qui pourrait tenir des films de James Bond. Et donc si cela vous intéresse et que vous voulez savoir la suite, il faudra lire le livre. Si les livres qui mêlent étonnamment bien le fantastique et l'histoire, avec une petite dose d'action, une petite dose d'histoire d'amour, on va dire petite dose, vraiment petite, vous intéresse, franchement ce livre est fait pour vous. Vous allez l'adorer. Et pour ceux que ça découragerait le fait de lire un livre, car gros pavé de 500 pages et compagnie, je vous rassure tout de suite, ce livre fait à peine 200 pages, à peine, et il se lit très très facilement. Et d'ailleurs, il faut quand même que je vous dise le nom du livre. Le livre s'appelle Gustave Eiffel et les âmes de fer. Il est écrit par Flore Vesco et publié aux éditions Didier Jeunesse. Je précise aussi que si vous aimez le livre là, elle a fait un autre livre dans le même style qui s'appelle Louis Pasteur contre les loups-garous. Donc vous aurez deviné de quoi il retourne. Et il faut d'ailleurs que vous sachiez que dans le livre Gustave Eiffel et les cœurs de fer, celui que je vous présente, Louis Pasteur est présent dans le livre. Il a un sous-rôle, je dirais, parce qu'il est déjà haut gradé et tout, il peut se transformer en loup-garou, enfin c'est un truc bien cool. Et du coup là on va dire que dans la timeline de l'histoire, des histoires là, le deuxième livre là serait avant, du coup voilà. Donc si un livre qui mêle étonnamment bien aventure, science-fiction, histoire, métallurgie et blagues absolument nulles sur le métal vous intéresse, ce livre est fait pour vous. Donc que je rappelle une dernière fois, Gustave Eiffel et les âmes de fer, aux éditions Didier Jeunesse. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, même radio, pour de prochains coups de cœur. Au revoir.